Cela m'emplit de joie de savoir qu'Odin se prépare un festin. Bientôt je boirai des cornes d'hydromel. Je n'entrerai pas en tremblant dans le palais d'Odin. Je boirai à la miel, un corne d'hydromel. Fin du game, tu rap dans les cheveux longs, t'es mort comme Andromède. Je me mettrai pas à genoux, non. Mon rap sort de mes poumons. Numéro des coups, j'apprends des coups, je suis le mouvement. Ouvre la cage, on voit le crime passionnel, gros. Ma mort sans repentance, c'est la sentence. Je râle, plein pro, magnifique et ma venue. Hypnotique et ma tenue. Ma musique est parvenue. Toi t'as pas connu, tu vois on l'a fait, on m'a contacté. Paradis ou feu, l'ennemi des dieux ne sera pas prêt. Tu vois on l'a fait, on m'a contacté. Paradis ou feu, l'ennemi des dieux ne sera pas prêt. Rien n'est plus banalisé, notre art est vandalisé. J'aimerais le sacraliser, du coup marginalisé. J'ai plus à me canaliser. De tous ces chiens, je suis là. Viens pour me chercher, les valeurs qui rient. Valeureux, j'ai mes larmes, mon âme guérie. Je partirai en beauté, je resterai dans ta teuté. Accident de voiture, une ordure qui vise à compter. Je monte sur le tracas, seul contre ces patas. Je serai près de Floki, je boirai avec Ragnar. Je monte sur le tracas, seul contre ces patas. Je serai près de Floki, je boirai avec Ragnar. Ma mort vient sans aucune repentance.